des milliers de revoirs, des milliers de gens qui se quittent pour une heure, pour une vie. Chaque bisou à ce soir sera peut-être le dernier. Je ne m'en serai jamais douté. Tu crois vivre le bonheur, il est à portée de ta main. Si c'est le cas, tiens le bien. Et surtout ne lâche rien, il ne reviendra pas demain. Jamais deux fois au même endroit. Jamais deux fois. Si tu es sûr que c'est elle, si tu es sûr que c'est lui, c'est lui. Alors je t'en prie, dis-lui. Si avec elle tu construis, si avec lui aussi. Alors je t'en prie, dis-lui. Le dernier, tu serais un peu en retard. On vivait le bonheur, il était à portée de main. Un bonheur sans lendemain. Pourtant je ne lâche rien, il ne reviendra pas demain. Jamais deux fois au même endroit. Jamais deux fois. Si tu es sûr que c'est elle, si tu es sûr que c'est lui, c'est lui. Alors je t'en prie, dis-lui. Si avec elle tu construis, si avec lui aussi. Alors je t'en prie, dis-lui. Qui m'évite, tu serais un peu en retard. Sur le quai d'une gare, je sens un regard qui m'évite.